Mon ami l'assimiloutin contre Dark Vador. Mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin. Ouf, ouf. Oui, mon l'assimiloutin, tu as bien raison. Allons courir dans les champs par cette belle matinée d'hiver. Tiens, regarde ce cuisseau de marcassin. Allez, rapporte. Ouf. Hourra, tu as réussi. Tu es vraiment le meilleur. Allons tout de suite chez Grand Merguez. Pendant ce temps-là, dans l'espace. Tu as bien fait, jeune Chewie, de rejoindre l'Empire. L'armée rebelle prend haut de toutes parts et la victoire nous est bientôt acquise. Grâce au code de protection que tu nous as fourni, nous serons rapidement en mesure de contourner les systèmes de défense de la Terre et ainsi l'envahir. Grâce à toi, je serai bientôt maître du monde. Pendant ce temps, chez Grand Merguez. Mon petit Krusty, va falloir être bien sage et bien m'écouter. Je sais que t'as du mal des fois à tout bien comprendre, mais là c'est très important, alors ouvre bien tes esgourdes. Hourra ! Oui, Grand Merguez ! Ouf ! Oui, bien sûr, toi aussi, l'assimiloutin. Il s'agit de notre ami Chewbacca et Dark Vador. Il a fait des choses pas très catholiques avec l'Empire. Ce serait trop long et trop compliqué à vous raconter, mais il se trouve que la Terre est sans défense et que l'Empire prépare une attaque dans pas très longtemps. Ouf ! Hourra ! Vous devez vous rendre de toute urgence à la base secrète de Winston pour réenclencher le système de défense. Attention, c'est dangereux, mais vous devez réussir pour la survie de la galaxie. Hourra ! En chemin. Oh, mon ami l'assimiloutin, je sauverai bien le monde, mais j'ai la vessie pleine et une bonne grosse dalle. Si seulement, mais qu'y a-t-il ? Mais que fais-tu ? Hourra ! Tu as déterré des toilettes et un frigo ! Nous sommes sauvés ! 16h32 du matin, base secrète de Winston. Évidemment que tu as eu du mal à trouver. C'est une base secrète, abruti. Écoute-moi bien maintenant, boule de poil. J'ai appris de sources sûres que l'assimiloutin et son compagnon Krusty Saucisse sont en route pour ici. Ils ont en tête de déjouer nos plans et j'ai bien l'intention de déjouer leurs plans, de déjouer nos plans. Écoute-moi bien, Chewbacca. Tu vas tendre une embuscade à ces maudits Krusty Saucisse et l'assimiloutin. Pendant ce temps, je vais envoyer un missile sur la Terre pour la détruire. 15h25, lieu de l'embuscade dans les bois. Quelle chance que tu aies trouvé cette montgolfière, l'assimiloutin. Ainsi, nous serons à la base secrète de Winston dans quelques minutes. Mais que veux-tu dire? Oh, mais tu as raison. Il y a un Chewbacca étendu sur la route. Vite, allons le secourir. Allô? Mon petit Krusty, Chewbacca veut te piéger. Surtout, va pas l'aider. C'est un infâme piège. Oh, comme c'est machiavélique. Vite, l'assimiloutin, cap sur la base secrète de Winston. Hourra! Au même moment, au même endroit. Ouf. Oh, mais c'est affreux. Darth Vader vient d'envoyer un missile vers la Terre. Il faut faire quelque chose. Mais que faire? Ouf. Ouf. Bravo! Tu as déniché un contre-missile RR! Nous pouvons détruire facilement ces missiles qui menacent la Terre! Hourra! Plus tard, ailleurs. C'est bien, les petits gars, vous avez sauvé la Terre! Hourra! La morale. Finalement, je suis bien content. Si j'avais détruit la Terre, je serais mouru aussi. Mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin!